Kanyangi. François Kimana sur la mise en onde. Nous sommes vendredi 26 février. Madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. La radio Bonesha FM a officiellement lancé ses émissions ce vendredi, émission interrompue depuis 2015. Le président du CNC appelle au respect de la loi régissant le métier. Enregistrement pour bientôt des titres fonciers et de propriété dans 10 provinces du pays. Cependant, des enquêtes devront d'abord être menées pour l'octroi des documents. Et plus de 8 tonnes d'engrais chimiques ont été saisies au chef-lieu de la commune Makamba. C'était mercredi. Cette quantité sera distribuée aux associations œuvrant dans le secteur agricole, dit l'administrateur communal. Vous l'entendrez dans cette édition mise en de par François Akimal. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons médias pour débuter cette édition. La radio Bonesha FM a besoin de plus de 60 000 dollars américains pour pouvoir remplacer tout le matériel endommagé en 2015. Léon Massengo, directeur de cette station, l'a dit ce vendredi lors du lancement officiel des émissions qui étaient interrompues il y a plus de 5 ans, tout en demandant aux anciens bailleurs d'appuyer pour que Bonesha FM puisse couvrir tout le territoire national. Et le président du Conseil national de la communication CNC, qui s'est joint aux journalistes de Bonesha FM, appelé au strict respect de la loi régissant le métier de journalisme. Le point avec Évariste Nzikobanya. Reprise des émissions de la radio Bonesha dès ce vendredi, un sentiment de joie immense se disait au visage de tout le personnel qui était en chômage il y a plus de 5 ans. Aline de Savé, à cette station, apprécie la décision de sa réouverture. C'est un sentiment de satisfaction et de joie pour moi en tant que femme journaliste de la radio Bonesha FM. Les femmes de la radio Bonesha FM, seulement nous sommes à peu près un nombre de 30 femmes qui travaillent à la radio Bonesha FM pour joindre les deux bouts du mois. Il y a parmi nous qui vendent les pop-corns traditionnels qu'on appelle Ibaraf ou Dovin Frambou pour faire vivre leur famille. Je remercie son Excellence le Président de la République pour cette bonne initiative. Cela étant, Bonesha rouvre avec beaucoup de difficultés financières pour qu'elle puisse mettre comme en 2015. Léon Massengo, directeur de Bonesha, explique que tout le matériel a été endommagé et lance un cri d'alarme aux bailleurs. Grâce aux travaux de dépannage, des concours ou des confrères qui nous ont prêté quelques matériels. Nous avons commencé à émettre sur Bujumbura et ses environs. Le matériel a été détruit, il faut le remplacer. Alors la valeur pourrait s'estimer à 60 000 dollars américains. Le président du CNC, après la visite des enceintes de la radio, trouve fondée les doléances du directeur de Bonesha FM, d'où il lance lui aussi l'appel aux bienfaiteurs. Et ce que nous avons constaté sur terrain, c'est une situation vraiment déplorable parce qu'au niveau des équipements de transport, mission de production, nous avons constaté que ces équipements ont été quasi littéralement détruits et j'ai trouvé qu'ils ont du pain sur la planche, n'est-ce pas? Parce que remplacer tous ces équipements, ça demande des moyens, ça demande des efforts. Si bien que en tant que régulateur, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux éventuels partenaires, aux éventuels bailleurs, pour qu'ils puissent voler au secours de la radio Bonesha FM, parce qu'elle est tombée trop bas. Nestor Bangoumoukounzi n'a pas oublié de lancer un appel aux journalistes de la radio Bonesha qui vont reprendre le travail au strict respect de la loi régissant la presse au Burundi. Évariste Nzikobanyanga, les titres fonciers et les titres de propriété seront désormais délivrés dans 10 provinces du pays pour un accès rapide à ces documents par la population. Dans un point de presse ce vendredi, Salomon Nibigila, directeur des titres fonciers du cadastre national, a ajouté que des enquêtes devront être menées d'avance pour connaître le vrai propriétaire d'une parcelle ou d'un terrain pour l'octroi de documents de propriété et dès le 1er mars. Suivez-le au micro d'Armel Mutore. La province de Bubanza, Bururi, Chamuzo, Chibitoke, Kayanza, Makamba, Muyinga, Mwaro, Rumonge et Rutana. Aucun dossier en provenance de ces provinces ne sera reçu par les conservateurs des titres fonciers s'il n'a pas passé par ces nouveaux bureaux. La délivrance d'un titre foncier doit être précédée par une enquête foncière réalisée après 30 jours d'affichage au bureau de la conservation des titres fonciers territorialement compétent à la commune et au lieu de la situation. l'occupation de l'immeuble concerné. À compter du 1er mars 2021, aucun titre foncier ne peut être délivré s'il n'a pas fait objet d'une enquête foncière sur le lieu de la situation de l'immeuble. Les documents requis pour l'enregistrement et la délivrance d'un titre foncier sont les suivants. Un formulaire de lettre de demande d'un titre foncier dûment rempli, délivré par le conservateur des titres fonciers. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou passeport du requérant. Une attestation d'identité complète du requérant. Et un plan ou croquis de la parcelle indiquant sa superficie, sa situation géographique par rapport aux principaux points de repère connus. En fait, tout document propre à confirmer ou à appuyer les droits et les prétentions du requérant, notamment un acte de notoriété ou un acte d'authentification de la transaction foncière ou un acte d'autorisation en cas d'une personne morale. La requête est accompagnée des statuts notariés et de l'acte d'agrément des organes dirigeants ainsi que de leur carte nationale d'identité ou passeport. Les documents dits inkomoko itongo, icyemezo cy'umuryango, icyemezo cy'ababanyi, icyemezo cy'abashingantahe ne sont pas exigés au dépôt de la requête d'un titre foncier. Le dossier de demande est déposé par son propriétaire ou son mandataire dûment désigné. À moins de prouver l'existence des liens familiaux jusqu'au deuxième degré, aucune personne ne peut disposer de plus d'une procuration dans un intervalle d'au moins de 6 mois. La direction des titres fonciers et du cadastre national rappelle les bénéficiaires des hypothèques tacites qui ne sont pas réguliers dans le paiement des annuités qu'ils sont priés de venir régulariser leur situation, à défaut de quoi les pénalités prévues par les conventions et les lois seront appliquées sans aucune autre forme de procès. Poursuivons cette édition clôture ce vendredi de la session ordinaire de décembre dans les deux chambres du Parlement burundais. Nous reviendrons sur cette nouvelle, mais après la clôture, le président du Sénat a reçu en audience ce vendredi dans son cabinet l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Leurs échanges ont porté sur la récente résolution de 43 députés de l'Union européenne constituant la Commission des droits de l'homme qui disait que, selon laquelle la situation des droits de l'homme au Burundi s'est détériorée. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagera, a demandé à cet ambassadeur de leur faire visiter le Burundi. On dit le point avec Gabi Bougaga, porte-parole du président du Sénat. Très honorable, le président du Sénat vient de s'entretenir avec le représentant de l'Union européenne. Ils se sont entretenus sur la résolution du Sénat en réponse à la position des 43 députés européens qui ont adressé une correspondance à Joseph Borrell, et qui est le chargé des affaires internationales au niveau de l'Union européenne. Alors, cette lettre, bien évidemment, n'a pas encore eu réponse, mais l'ambassadeur de l'Union européenne a signifié que c'est la commission chargée des droits de l'homme qui a dressé cette correspondance. La correspondance n'a pas eu encore de réponse, mais que cette réponse ne devrait pas aussi tarder, mais ne devrait pas aussi décourager la poursuite des échanges, des pourparlers, du dialogue entre l'Union européenne et le Burundi. Et le Sénat, quant à lui, encourage le gouvernement du Burundi à poursuivre le dialogue politique avec l'Union européenne. Et d'ailleurs, depuis 2017-2018, le Parlement burundais avait adressé une correspondance au Parlement européen pour que ce Parlement puisse désigner des émissaires qui pourraient venir constater la réalité des faits sur terrain, ce qui n'a pas été fait. Donc, pour le moment, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi a démontré que, une fois l'invitation est envoyée à la délégation du Parlement européen, pourrait donc venir et constater les faits vécus sur terrain. Gabi Bougaga, porte-parole du président du Sénat. Restons à Gitega, la capitale politique du Burundi, pour parler de la nomination des secrétaires permanents exécutifs des communes, qui est au stade de la recherche de l'expertise exigée par le manuel des procédures administratives et financières des communes. Le ministre en charge de l'Intérieur l'a annoncé cette semaine au cours des questions orales au palais des congrès du Sénat à Gitega. Et il trouve que les employés du ministère qui se verront perdre leur place suite aux réformes en cours, mais mérite ses postes. Jean de Dieu Irakoz. Interrogé sur l'état de lieu de la nomination des secrétaires permanents communaux par les sénateurs, le ministre en charge de l'Intérieur a expliqué qu'on avait attendu la nomination du membre des cabinets provinciaux. Dans la réunion tenue à Ngozi avec les gouverneurs de province et administrateurs communaux le 15 janvier 2021, nous leur avions demandé de ne pas faire la nomination de ces employés de la commune avant la nomination de membres des cabinets moyens provinciaux. La mise en place de ces cadres communaux se réfère au manuel des procédures administratives et financières décrivant leurs profils, ce qu'ils demandent de faire avec plus de précautions, ajoute le ministre Gervais Ndirakobucha. Le même manuel montre les profils exigés pour les employés de la commune. Mais dans la réunion tenue avec les administrateurs et présidents des conseils communaux, nous leur avons expliqué de prendre d'abord précaution pour le choix de l'expertise suffisante pour que nous ayons réellement à ces postes les personnes utiles aux communes. Ce ministre trouve que les employés du ministère, qui se verront perdre leur place suite aux réformes en cours, sont les mieux placés pour ces postes. Nous référons sur la réforme en cours dans les institutions. Il y a ceux qui se verront perdre leur place au ministère que nous trouvons aptes pour occuper ces postes, ce qui aiderait les administrateurs communaux, plus particulièrement du moment qu'ils ont de l'expérience en matière d'administration. Le ministre Ndirakobucha Gervais se réjouit du fait que la loi communale prévoit que celui qui occupe ce poste préserve les avantages déjà acquis au poste précédent. Depuis Gitega, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. À 13h07 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Plus de 140 000 Burundais ont regagné le pays natal depuis l'an 2020 lors du lancement officiel du plan conjoint de retour des réfugiés et de réintégration des rapatriés. À 2020, ce vendredi, le ministre de l'Intérieur a ajouté que plus de 142 000 réfugiés sont attendus durant cette année. Le ministre Gervais Ndirakobucha a souligné que ce plan vise trois objectifs, dont celui de fournir des moyens aux rapatriés afin de reprendre leurs activités. Et certains des commerçants de la province de Kayanza exerçant le commerce transfrontalier indiquent qu'ils paient parfois convenablement les impôts et taxes liés à l'importation, dont le service des douanes République unie de Tanzanie, mais que des agents à ce service ne donnent pas de quittance de paiement. Ces commerçants disent que consécutivement, les procédures fiscales et douanières se compliquent lorsqu'ils arrivent à la frontière burundo-tanzanienne de Kobero. Et cette année, Ngenda Kumana, porte-parole de l'Office burundais des recettes OB, tranquillise que cette question sera soumise aux autorités gouvernementales compétentes pour trouver solution. Le point avec Patrick Nsengiumva depuis Kayanza. Un commerçant qui exerce ses activités commerciales dans le strict respect des lois régissant le domaine fiscal et douanier protège ses biens commerciaux. Ce sont les propos de Staning Ndakumana, porte-parole de l'Office burundais des recettes. Il a dit ce jeudi, dans la clôture d'un atelier de trois jours d'échange sur la conformité aux lois fiscales et douanières organisées par l'OBR à l'endroit de différents contribuables de la province Kayanza. Les commerçants qui exercent le commerce transfrontalier ont exposé certains des défis qui hantent le développement de leurs activités commerciales. Certains d'entre eux ont dénoncé le service de la douane en République de la Tanzanie, que des fois ils paient convenablement les impôts et taxes liés à l'importation, mais qu'on ne leur donne pas d'équittance de paiement, ce qui par conséquent complique les procédures fiscales et douanières à Kobero, la frontière burundo-tanzanienne. Taninge Ndakumana, le porte-parole et chargé de la communication à l'OBR, a tranquillisé ses commerçants que cette doléance sera soumise aux autorités gouvernementales compétentes pour y trouver une solution conséquente et favorable. D'autres commerçants ont parlé de cette même question liée au non-octroi d'équittance de paiement à Kobero lorsqu'ils y paient les frais de pesage de leurs marchandises sur le pont bascule. À cette question, Sandinge Ndakumana demande aux commerçants de toujours appeler au numéro vert de l'Office burundais des recettes afin que ce pesé soit puni conformément à la loi régissant dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et quant aux déclarants qui détournent les fonds des commerçants qui sont censés aider à bien poursuivre les procédures fiscales et douanières de leurs biens commerciaux, porte-parole de l'OBR leur demande d'en découdre avec cette mauvaise pratique. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. De Kayanza au nord du Burundi, rendons-nous à Makamba, c'est au sud du pays où plus de 8 tonnes d'engrais chimiques fourmis ont été saisies chez des commerçants en pleine vente et chez certains stockés pour enfin les revendre dans les jours à venir. Zuena Irakiza, administrateur de la commune de Makamba, a fait savoir que cette quantité d'engrais subventionnés saisis va être distribuée aux associations associations œuvrant dans le secteur agricole comme appui et demande toutefois à sa population de toujours se confier à l'institution habilitée quand elle a besoin d'engrais au lieu d'en acheter à des prix exorbitants. En province, Ngozi clôture hier de l'année sylvicole 2020-2021 dans le cadre du programme Eweburundurambaye. Cette activité s'est déroulée sous la colline Mufigi en commune Kiremba où 4800 plants d'eucalyptus ont été plantés. Le directeur provincial de l'enseignement agriculture et élevage conseille la population à ne pas aller au-delà de la fin de la semaine prochaine en vue d'éviter le stress hydrique chez les de jeunes plants. Et Justin Ouaoué appelle la population d'Ngozi à s'adonner plus aux arbres fruitiers utiles à la santé humaine. Une population selon lui qui n'en a pas d'engouement actuellement. Et le directeur de BPAE Ngozi se dit satisfait des activités réalisées dans cette province cette année dans le cadre du programme Eweburundurambaye et sur 4 millions d'arbres fruitiers, forestiers et agroforestiers, plus de 4 000 millions ont été plantés. Dernier élément de cette édition province Chibitoke, plus de 10 centres de formation des métiers ont besoin de 44 enseignants pour un bon fonctionnement. Les secteurs de la filière agro-pastorale sont presque fermés suite au manque de bétail et des intrants agricoles nécessaires dans ce secteur. D'autres défis en tant les secteurs de formation des métiers sont notamment le manque d'électricité, l'insuffisance des enseignants. Le responsable du secteur de formation des métiers en province de Chibitoke indique qu'il a déjà soumis cette question à aux autorités hiérarchiques. Le point avec Alexis Ndairagije depuis Chibitoke. Au centre de formation des métiers de Mabayi, il n'y a que le directeur seulement, alors que les équipements sont disponibles. Dans les centres de formation des métiers de Karuama, Ruvumera, Chunyu, Rwesero, Nyabugimbu, Diahodal, le secteur de filière agro-pastorale est presque fermé suite au manque du bétail, des intrants agricoles et des enseignants. Dans d'autres secteurs comme la menuiserie, la maçonnerie, la soudure, il y a des enseignants qui peuvent donner la théorie sans toutefois donner la pratique. À part cela, plusieurs centres de formation des métiers n'ont pas d'électricité, alors qu'il y a des équipements qui en ont besoin. Certains directeurs indiquent que les frais de fonctionnement ne sont pas encore disponibles. Le directeur Rézé demande la disponibilité des enseignants. C'est au moment où tous ces centres de formation de métiers ont besoin de 44 enseignants. Chaque secteur y a besoin de 3 enseignants. Le responsable du secteur de formation de métiers en province de Toké, Célestin Abdjarimana, affirme qu'il a déjà soumis cette situation à ses autorités hiérarchiques, qu'il attend toujours la solution. Célestin Abdjarimana indique qu'il y a un centre de formation de Chounyou en commune de Boganda qui possède des équipements adéquats mais qui manque des enseignants capables de les utiliser. Il précise bien qu'à la rentrée scolaire, plus de 400 élèves s'étaient fait inscrire mais qu'ils continuent de quitter le banc de l'école suite à son manque d'enseignants. Même si ces problèmes existent, il se réjouit des résultats du centre de formation de Karuama appuyé par la coopération belge. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. À 13h14 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition, mais permettez de vous rappeler les grands titres. La radio Bonesha FM a officiellement lancé ses émissions ce vendredi, émission interrompue depuis 2015. Cette radio a besoin de plus de 60 000 dollars américains pour pouvoir remplacer tout le matériel endommagé. Depuis 2015, et le président du Conseil national de la communication, CNC, a appelé au respect de la loi régissant le métier de journalisme. Enregistrement pour bientôt des titres fonciers de propriété dans 10 provinces du pays. Cependant, des enquêtes devront d'abord être menées pour l'octroi des documents. Et plus de 8 tonnes d'engrais chimiques ont été saisies avant-hier au chef-lieu de la commune Makamba. Cette quantité sera distribuée aux associations œuvrant dans le secteur agricole, a précisé l'administrateur communal. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser, à François Akimana qui en assurait la mise en onde. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.